Parce que tu es merveilleux. Nous nous approchons de toi. Ta présence nous fait du bien. Ta présence que j'aime, Seigneur. Il n'y a qu'une présence qui est comme ta présence. La semaine est en train de s'achever. Alléluia. Oh, merci. Alléluia. Oh, merci. Oh, merci, Seigneur. J'aime ta présence. En moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Oh merci Jésus. En moi dans tes bras d'amour. Oh merci. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence, papa. Elle me fait du bien. De tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce nom? Nous pouvons acclamer pour le nom. Est-ce que tu peux acclamer pour le nom de Jésus-Christ? Oh, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ok, nous voulons écouter la parole de Dieu. Si tu es fatigué, tu peux t'asseoir sur la chaise. Sinon, tu peux rester là où tu es pour écouter la parole de Dieu. Et après, nous allons passer à... Nous allons prier. Juges chapitre 6, versets 14 à 15. Je voulais relever quelque chose et nous allons prier. L'Éternel se tourna vers lui, c'est-à-dire vers Gédéon, et il lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Verset 15, Gédéon lui dit, « À mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. » L'histoire de Gédéon nous prend à peu près chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8 et une partie du chapitre 9 de Juges. Donc trois chapitres quatre qui seront presque la base pour cette année. Et chaque fois que nous lisons, il y a toujours des choses que le Seigneur nous révèle, des choses sur lesquelles nous devons faire attention. Et ce soir, je n'ai pas d'interprète, alors vous allez souffrir. Je vais mélanger swahili, français, et à moins qu'il y ait dans la salle quelqu'un qui peut m'interpréter. Mais sinon, je vais essayer de me débrouiller. Chaque fois dans la Bible qu'il s'agira de se battre, chaque fois dans la Bible qu'il s'agira de délivrer, parce que Dieu dit à Gédéon, va et délivre Israël. Il s'agit des défis. Donc Dieu appelle Gédéon à relever certains défis dans sa vie. Dieu t'appelle à relever les défis. Cette délivrance, c'était un défi que Gédéon devait relever. Alors, je vais essayer de définir le défi. Défi, Nini, quand on parle de défi. Défi, c'est une situation visuellement impossible. Mais il y a où la soi de réussir. Je vais te donner ce coup relevé. Alors, nous on appelle à que chacun de nous réalise que Moumaïsa, il y aura des défis. Il y aura des montagnes. Il y aura toujours ma situation foulane. Il est pour survivre. Tu dois le relever. Mungwasita ito sapo. Mais nous avons pas la capacité nécessaire pour relever les mêmes défis. C'est-à-dire, situation y a quoi pour, mais nous avons pas la capacité à transcender, à vaincre les situations malgré présence. Alléluia. C'est à ce moment-là, quand tu traverses, tu regardes derrière, tu donnes gloire au Seigneur. Je bénis Dieu, nous avons le psaume 136. Si vous regardez le psaume, par l'état, m'a exploité le monde, il y a Israël, mon Égypte. Il a délivré des pharaons. Il a divisé la mer en deux. Il a fait traverser à sec. Il a fait marcher dans le désert. Ni ma situation, bana ipsom, bana isom, bana imba, quand la situation est passée. Frères et sœurs, s'il n'avait pas rencontré cette situation-là, il n'allait jamais chanter ce psaume. Il n'allait jamais dire aujourd'hui, tel que nous avons dit, louer l'Éternel. Donc, pour que Dieu mette la louange dans ta vie, bien-aimé, la louange ne vient pas s'il n'y a rien dans la vie. La louange dans la vie vient quand Dieu a fait des exploits. Et les exploits avec Dieu, c'est quand on a traversé des problèmes. Alors ici, il s'agit de relever les défis. Et j'étais dans ma chambre d'hôtel, je priais. Dieu me dit, tous les défis de la vie sont relevables. Alléluia. Tous les défis de la vie sont relevables. Il n'y a aucun défi dans ta vie que tu ne peux relever. Akutakuyaka situation maisha yako. Aussi longtemps que tu es avec Dieu, il ta shindo kuweza. Aussi longtemps que tu es avec Dieu, ma situation yote maisha yako paka uiweze. Alléluia. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous cherchons, c'est le Dieu avec qui tu peux relever les défis. Oh, c'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 108, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Alors, quels sont les hommes qui relève les défis. Ni pas tout cas ni mais qu'on mesure, il y a que pendant millimètre comme les bananes pendant la itambuka. Ni pas tout cas ni mais qu'on mesure de traverser, de relever les défis. Mais sonder les Écritures. Prenons le temps de sonder les Écritures, bien-aimés. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. La foi, la Bible n'a pas dit que le juste vivra par la prière. Le juste vivra par la foi. C'est-à-dire, le juste prend la décision de conformer sa vie à la parole de Dieu. Il y croit. Mais à reprendre de Moussaï, quand on dit que le juste vivra par la foi, c'est-à-dire moyen ak, paye kwish, en angara saouti à moun, en asema ibibiote saouti à moun, en asema, mita bi applique mon maïsha yang, nabita fanika. Alléluia. C'est ça marcher par la foi. Marcher par la foi, ni kousema il est moun ou en asema, tchobia kweri, mita fani. Umurumiye. Mina murumia. Ata mina ria muro, ce n'est pas grave. Mina murumia. Ni peleke di mina peleka. Aita ina nyuma mina peleka. Alléluia. Le juste vivra par la foi. C'est le seul verset mon Biblia. Bana esema pas qu'à vivre mon Ancien Testament. N'a pas qu'à vivre le Nouveau Testament. Le juste vivra par la foi. Alors, je voudrais prendre deux exemples. Il y a Bantou Bale qui a relevé ma défi. Pourquoi je n'ai pas même exemple Mbiri? Léo. Je vais vous montrer un exemple. C'est pour vous montrer que c'était des hommes de même nature que nous. 1 Samuel chapitre 17, n'y pas le verset 32 avant de rentrer à notre histoire de Gédéon. 1 Samuel chapitre 17, verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Chaque fois qu'il s'agit de la délivrance ou de la bataille dans la vie, c'est un défi que tu dois relever. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Lisons bien la Bible. Un enfant, il décide d'aller se battre avec un général qui a étudié l'armée, qui a été entraîné et qui a toutes les armes. C'est ça l'image. Les défis dans la vie, ce n'est pas pour des choses qui relève de ta force. N'attends pas que tu n'as sema. Tu n'as quoi bintu maïsha yako. Tu n'as quoi au-delà. Alors, ma mère, c'est ma, tu es un enfant. D'abord un enfant. Et lui, c'est un homme de guerre. Donc, enfant contre un homme, un civil contre un militaire, un homme sans armes contre un homme surarmé. Tu es un enfant dans les situations où tu te trouves. En face, mais on a expérience coupita. Mais c'est un défi. L'histoire ne parle que des gens qui ont relevé les défis. L'histoire ne parle jamais des gens qui n'ont pas relevé les défis. Même les héros de la foi dans Hébreux 11, c'est des gens qui ont relevé les défis. Et depuis la création, le monde a été habité par plus de 50 milliards de gens. Mais Hébreux 11 nous parle que de quelques personnes. Namukanisa, Namujamayen, Batakusumburiaka, seulement quand tu vas relever les défis. Si tu veux vivre comme tout le monde, l'histoire ne parlera jamais de toi. L'histoire est intraitable pour les gens, en français on dit lâche, pour les gens qui fuient devant les problèmes. L'histoire ne pardonne pas. Mais l'histoire couronne les gens qui relèvent les défis. Tu as des défis à relever. David se trouve devant Goliath. Ça lui dit, ne pars pas. Tu es comme Toto et comme Kouboa. ne parle pas. On a une expérience et qu'on expérience. Vous voyez les défis. Pas quelqu'un d'expérimenté. Oh, Dieu est bon. Mais si Dieu est mon maïs, Léon est sûr que homme. Nous ne pouvons pas venir devant le Seigneur pensant que notre Dieu est incapable que nous puissions relever les défis. Mon goût, tout ça, il moulima, tout ça. Moulima est kouyeku, ici kouyeku. Tu dois avancer. David a m'a bien Saül, mis ta combat dans la Goliath. Saül lui dit, vois la bilato bien. Vois la tenue. Yam. Beba bouclier. Yam. Non, bien-aimé. Relève tes défis avec la force que Dieu t'a donnée toi-même. Ma expérience a bénéficié tout ce vrai et tout ça. Il dit. Mais il y a Dieu l'état de son maïs. Il y a Dieu l'état de son maïs. Il est en train de se faire. Ne bile ni fanya ni kuna fanya na Mungu musekre. David dit non, merci. Mina pima. Abiyene. Oh bien aimé, kuku bantu mu maisha. Be on a tembe na bilato bya benyewe. Toko ni numero moya ay kwene. Non tembe ay apana. Ye numero 11. On a numéro 6. On t'a chine d'okutembe. Comment on a tembe en maïsa? Na mangoua ya benyewe. Donc ma numéro ya ikwene. Moubou kweri bwako, on a fait qu'on applique bien benyewe. Moubou tumisi bwako, on a fait qu'on applique bien benyewe. Ça ne va pas marcher. Oh, ce soir, relève les défis de ta vie. Job Christ, ça, il s'agit de David. L'âge, un enfant, un homme. L'expérience entre les deux. David sans expérience par rapport à Goliath. La taille des deux. David moufou puis Goliath moulif. Les moyens des deux. David sans moyens, Goliath avec tous les moyens. Dieu ne peut pas te demander de relever les défis devant les choses faciles. Comment l'histoire parlera de toi si tu n'as vécu que des choses faciles. Et quoi mon famille, et quoi mon canissa, et quoi mon moukine, et quoi mon dounir. L'histoire ne parle que des gens qui ont relevé les défis. Mama, baba, koral. Peuple, si tu vis comme tout le monde, l'histoire ne parlera jamais de toi. Ou ta pita mukanisa. Na atuto, abata joga bina sa pita kamule mukanisa. Mujama yen, umu mulikas. Kumu bale, akipito na sema ah uyu dua mulikas. L'histoire est intraitable envers les gens qui vivent comme tout le monde. L'église aussi est liée à l'histoire. Donc l'histoire de l'église sous féconde sera aussi intraitable envers les gens qui vivent comme tout le monde. tomber, en homme intercession, en homme évangélisation, il n'y a pas de problème. Wakatu tapita, tapita katu. Mais Koukou Benguine, même aujourd'hui, on va dire tel était ici. Oh bien-aimé, je me dois de dire la vérité par rapport à la parole de Dieu. Pour que ça nous révolte. Pour que nos vies changent. Donc David, Wakati David a naoua Goliath. Saül wa kwanza na uliza. De qui est ce fils? Comme on a relevé tes filles patounia, na kizazi que nous batati famille. Alléluia. Baba yako bata mujua. Mama yako bata mujua. Bibi yako bata mujua. Batoto yako bata mujua. Nous faisons un assis, on a dit, Abner vient. De qui est ce fils? Ah, non, non, il est le fils d'Isaïe. Ah bon? Moufalm. Ma maman va la composer mouimbo. Frère, avant de composer un mouimbo, si tu n'as jamais relevé un défi. David a tué ses 10 000. Et Saül a tué ses 1 000. Ce n'est pas David qui a demandé. Quand tu relèves les défis, tu as droit aux éloges. C'est un principe. Comme on a tapé Moutou. Non, Abana. Frère, Moutou, comme on a couru à la jibe, à Papika Moussouri, en tout cas. Beina na mukitunga anaweka alipiga mzuri ndio leo kusema sasa tupigeke mzuri hapana yeye ile siku na relever défis